Michel-Ange. Certes, il était hanté d'un tragique tourment, alors que la Sixtine, éloignée de Rome en fête, solitaire, il peignait sibylles et prophètes, et sur le sombre mur, le dernier jugement. Il écoutait en lui pleurer obstinément, titan, que son désir enchaîne au plus haut fait, la patrie et l'amour, la gloire et leur défaite. Il songeait que tout meurt et que le rêve ment. Aussi, ces lourds géants, là de leur force exsangue, ces esclaves qu'étreint une infrangible gangue, comme il les a tordus d'une étrange façon, et dans les marbres froids où bout son amaltière, comme il a fait courir avec un grand frisson la colère d'un dieu vaincu par la matière.